quittant la terrasse trop chaude, Coulter se sépara du soleil pour se reposer sous le plafond de sa chambre qui ressemblait à un arbre, tant les lézardes y naissaient. Une libellule fixait son front sans rêve. En effet, aucune agitation ne le prenait en otage, aucun souffle d'air ne le balançait. Coulter devenait une nuit étoilée par sa propre sérénité. Le haschich était de très bonne qualité. Son parfum courait dans les couloirs de son corps tout entier livré à une sieste immortelle. Comme d'habitude, il relirait la lettre de Quincampoix reçue les matins même entre deux respirations de café à son réveil.